Ah, j'ai subi un peu le décalage horaire. Je suis rentré en catastrophe dans la Californie. Ah, vous savez, maintenant, je suis considéré comme un fugitif. Mais ça, je vous le raconte demain, le temps de rassembler mes esprits. Ah, mes amis, quelle mouise! Hier soir, vous n'avez pas aidé. J'étais en train de faire du stop sur le périph' nord avant de partir à l'aéroport quand une bagnole s'arrête. Je monte. C'était l'entraîneur du PSG, Vahid Halilhodžić. Il avait l'air déprimé comme un tchétchène. J'essaye de lui remonter le moral comme je peux. Bah alors, qu'est-ce qui se passe, Milosevic? Halilhodžić, pas Milosevic. Oui, bon ben, peu importe, qu'est-ce qui t'arrive? Ah, moi, grosse déprime. Mais enfin, c'est ridicule. Le PSG vient de gagner 4 matchs d'affilée. Rien à foutre, PSG. Joueur fils de pute, de toute façon. Bah, qu'est-ce qui va pas, mon Lolo? Oh, moi, pas Lolo, moi, Vahid. Ah, tu vas me répondre, bordel de ch'trondole, je te bête la gueule, moi! Vahid avoir anxiété parce qu'un quinquagénarien l'attente. Eh ben, tu parles bien pour un alphabète roumain. Moi, pas roumain, moi, bosniaque. Ah, tu sais ce qu'il te faudrait, toi, le serbe? Il faudrait un bon petit gueuleton de ton pays de manouche. Ah oui, quelle bonne idée. Eh ben, tu vois, l'ukrainien, c'est simple, finalement. Allez, moi, invitez-toi chez Kouf-Poumouski, meilleur restaurant de Mobay. Ça va faire un peu juste pour le dîner, il est déjà 20h, on est au moins 5 heures de route pour arriver dans ton pays de sous-développé, et moi j'ai rendez-vous avec le Tyrolien en Californie. Mais non, fils de pute, Kumar Kumuski est sur les Champs-Elysées. Ah, j'ai envie de te dire bon coup, Hugo. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé chez les voleurs de poules en train de becter. On a bouffé comme des cochons maltais, on a bu comme des poissons-chats. Au bout de 4 heures dans son resto, je parlais couramment sa langue de barbare à l'autre sagouin du PSG. Quand on est ressorti, il m'a dit que j'étais son nouveau meilleur ami. Jusque-là, ça va. Là où ça s'est gâté, c'est quand il m'a dit qu'il voulait que je devienne son nouvel attaquant. Ah, j'ai décliné l'offre. Après, il m'a demandé de devenir son nouveau fils. Là, j'ai encore refusé. Puis, il m'a demandé d'être sa nouvelle femme. J'étais à deux doigts de lui mettre une torgnole quand il a sorti un flingue et qu'il m'a demandé de choisir entre les 3 options qu'elle m'offrait. Finalement, je commence samedi 18 au parc contre Le Mans. En plus, il m'a dit que si je marquais pas, il me virait de l'équipe et qu'il m'épousait le lendemain. Je vous laisse, je vais m'entraîner un petit peu. T'aurais pu trouver pire Le Mans en même temps, ça va pour démarrer. Hein. Ça va aller.